La Maison de l'Astronomie, le monde de l'observation, vous présente les podcasts de Ciel et Espace. Retrouvez toutes nos références en astronomie, nature et globe terrestre sur maison-astronomie.com. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Maître, professeur à l'Université de Lille 1, historien des sciences, pour évoquer la figure de Copernic et les influences du Quattrocento, la Renaissance italienne, sur Copernic et sur l'héliocentrisme. Alors Bernard Maître, nous étions en train de discuter du séjour de Copernic en Italie, du fait qu'il avait séjourné chez un astronome qu'il avait initié notamment... pas l'héliocentrisme, mais en tout cas qui déjà donnait une place au Soleil un peu prépondérante. Vous évoquez aussi l'aspect artistique et les courants artistiques qui balaient ces villes de la Renaissance italienne. Qu'est-ce que les recherches des peintres, les recherches picturales de l'époque ont pu apporter à l'héliocentrisme ? Eh bien, il faut voir que la peinture, par exemple, du Moyen-Âge et de la Renaissance, a duré aussi. Les courants traditionnels de la Renaissance appliqués les peintures du Moyen-Âge étaient des choses qui étaient profondément en harmonie avec les représentations du ciel, de l'astronomie. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait au centre la Terre et les quatre éléments, une Terre de génération et de corruption, et au-dessus un ciel qui était un ciel parfait, éternel, avec des rotations circulaires et uniformes limitées par la sphère des fixes. Dans les courants artistiques, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez en haut Dieu, les saints, les anges qui sont dans ce ciel parfait, sur des fonds dorés ou nimbés avec des auréoles dorées qui montrent l'éternité, et au centre par exemple du ciel Dieu, un petit peu plus à sa droite ou à sa gauche la Vierge et les saints, encore un peu plus loin les anges, un peu plus loin l'homme et quelquefois sa chute. Donc vous avez quelque chose dans lequel l'homme qui regarde les peintures, les sculptures, est profondément sur le dallage, sur la terre, et regarde en haut, et c'est ça que va changer totalement le Quattrocento italien, avec une représentation des scènes d'abord de la vie du Christ dans un espace qui est un espace courant, et avec peu à peu l'abandon total de la distinction du haut et du bas, le bas inférieur au haut, le haut, la perfection, le ciel, et vous allez avoir dans les tableaux du Quattrocento italien un espace qui va devenir homogène, qui va devenir le ciel, ça va être quoi ? Ben, le ciel des petits oiseaux, et puis le ciel bleu et le ciel des nuages, et il ne va pas être supérieur... Derrière les arbres, en fait. Oui, c'est cela, et au-dessus des arbres. Et la hiérarchie des valeurs n'est plus donnée par le haut et par le bas, elle est donnée par la perspective, parce que le tableau est bâti en fonction de l'œil de celui qui le regarde, ça c'est l'humanisme vraiment, en fonction du destinataire de l'œuvre, et le personnage principal va être au point de fuite ou devant le point de fuite des lignes de la perspective. Donc vous avez un espace homogène, des proportions qui interviennent, l'importance des proportions, et vous allez avoir donc des scènes dans lesquelles il n'y a plus cette hiérarchie au bas. Alors cette descente en fait du ciel vers la terre, elle s'est faite en plusieurs étapes quand même. Vous évoquez Giotto dans Oui, bien sûr, un des précurseurs a été Giotto. Giotto qui montre des scènes de la vie du Christ, mais qui sont encore dans un plan, c'est-à-dire que l'espace devient homogène, ce n'est plus l'espace du haut et du bas, l'espace devient homogène, mais finalement, les scènes sont... la perspective n'est pas maîtrisée et sont placées dans un plan. Et peu à peu, donc ça va se faire avec, un peu plus tard, donc le début du XVe siècle, le début du Quattrocento, des années 1400, avec Brunelleschi, avec Masaccio, avec Piero della Francesca, avec Alberti, eh bien, il va y avoir construction d'une perspective et deux points de fuite. Et on va représenter l'espace dans un plan et l'espace tel qu'il est, avec donc les proportions et les choses qui sont principales, qui vont être mises à la place principale, c'est-à-dire le point perspectif. Donc là, nous avons des artistes qui mènent des recherches picturales qui sont proches des mathématiques, finalement, de la géométrie. Alors, ce ne sont pas des mathématiques et ce n'est pas de la géométrie, mais ça y ressemble beaucoup. La géométrie, c'est l'abstraction. C'est les propriétés qui sont abstraites, sans attributs. Tandis qu'ici, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre du dessin, c'est-à-dire une droite. Ce n'est pas un être absolu, abstrait. La droite, pour Piero della Francesca, c'est le plus petit trait que peut tracer le crayon. Et c'est différent, c'est-à-dire il y a quand même un attribut. Et Piero della Francesca, dans certains de ses tableaux, dans certaines de ses cours et de ses épures, fait de la projection cotée, mais c'est la représentation de la distance du front par rapport au nez et par rapport au plan de projection qui est la toile. Ce n'est pas une abstraction géométrique. Mais on est sur le bord, évidemment. Ce sont les travaux qui ont enrichi ensuite les travaux de la géométrie. On a des œuvres que Copernic aurait pu voir déjà. Oui, bien sûr. Il baigne vraiment dans un milieu. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont dans la tradition, sont majoritaires. Et le petit palais des papes à Avignon est bourré de ces peintres du XVe siècle qui peigne encore à l'ancienne, avec la hiérarchie des valeurs au bas, par exemple, et puis les peintures dorées. Mais les peintres viennent voir Giotto, viennent voir Masaccio, viennent voir la chapelle Brancacci à Florence, et tout ça se communique. Et Alberti écrit en latin son De Pictura, dans lequel il donne les règles de la perspective. Piero della Francesca va écrire, lui, en toscan, et va aller beaucoup plus loin avec cette projection cotée qui apparaît. Et tout cela, eh bien, est fait lorsque Copernic va... on en est au point où c'est déjà la deuxième vague, c'est-à-dire la vague qui commence avec Raphaël, où donc on est dans des représentations de sentiments, mais dans cet espace homogène qui est extrêmement maîtrisé. Alors, ce qui est troublant, c'est que l'on trouve, par exemple, dans Alberti, des phrases sur la perspective qui sont reprises quasi textuellement dans le De Revolutionibus, parce que bien évidemment l'espace dans lequel le soleil est au centre avec la terre qui tourne autour, c'est un espace homogène. Il n'y a plus de distinction entre la terre qui est en bas et le soleil et les astres qui sont en haut. Il y a unité du monde pour Copernic et dans les tableaux, et sont les mêmes phrases. D'autre part, dès que la perspective est inventée, eh bien on joue avec la perspective. Et jouer avec la perspective, c'est donner des visions dépravées. Lorsque vous êtes sur une piste cyclable et que vous voyez les petits vélos, eh bien vous les voyez à peu près en bonne proportion, mais si vous êtes exactement au niveau du petit vélo, voyez qu'il a été peint de façon très allongée pour que de loin on le voit dans des vraies proportions. Ça s'appelle des anamorphoses. Et évidemment, on utilise des anamorphoses, Holbein et tout ça, pour donner des sens cachés au tableau. Eh bien, lorsque vous êtes sur la Terre et lorsque vous regardez les astres, vous êtes dans une position qui n'est plus centrale, donc vous avez une anamorphose du monde. Et Copernic utilise cela, le mot anamorphose, vision dépravée. Quelque part, si vous voulez, l'art du Moyen-Âge va avoir une certaine géométrisation, mais on va géométriser différemment les têtes de personnes différentes, ou le bœuf par rapport au mouton, tandis que... Villard de Honnecourt. Villard de Honnecourt, par exemple, et tandis que tableau de la Renaissance avec son espace homogène va vous donner une vision organiciste. Il faut qu'il y ait une cohérence de l'ensemble. La cohérence de l'ensemble et la vision cohérente de l'ensemble est donnée par quoi ? Par la proportion, les belles proportions. Les belles proportions de Dürer pour l'homme, qui sont les proportions de la gamme, d'ailleurs. Vous voyez l'influence pythagoricienne. On est là-dedans. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va être extrêmement novateur chez Copernic ? L'espace unifié, le mythe solaire, parce que ça aussi c'est très très important à la Renaissance, le mythe solaire. On peut y revenir, effectivement, oui. Le soleil a été un petit peu mis de côté pendant le Moyen-Âge, c'est ça, la Terre est très très mise en avant à cette époque-là. Oui, bien sûr, le ciel, le soleil, c'est un des astres qui tourne, et avec l'apparition du mythe solaire, mouvement pythagoricien également, eh bien, qu'est-ce que vous avez, l'importance du soleil. Copernic dit, j'ai placé au centre du monde, sur le trône dans lequel il peut régner sur l'univers, cet astre merveilleux qu'est le soleil. Enfin, c'est quand même un argument qui n'est pas très, très, très scientifique. Scientifique actuellement, qui est tout à fait affectif. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va donner des proportions, les proportions selon lesquelles tournent les planètes, en s'appuyant sur quelque chose de faux d'ailleurs, qui est que toutes les planètes tournent avec la même vitesse angulaire. Et donc, il va pouvoir donner les éloignements en fonction des retours des planètes dans les mêmes configurations. Un an pour Mars, plus d'une dizaine d'années pour Saturne. Donc, il donne des proportions. Donc, tout ça, ça plaît énormément aux esthètes nouveaux de la Renaissance. Mais ça, c'est le premier livre de Copernic, parce que ça marche pas. Parce que, et bien évidemment, si on fait des rotations circulaires et uniformes autour de la Terre, ça ne marche pas. Et dans le deuxième livre, qui n'a moins circulé, moins été traduit, eh bien, Copernic est obligé de rétablir les épicycles pour sauver les apparences. Et donc, il rétablit avec un soleil central des épicycles. Et qu'est-ce qu'il va gagner ? 3 ou 4 épicycles sur 70, c'est pas grand-chose. Il va pas gagner grand-chose. Dû à la rotation de la Terre sur elle-même, il va pas gagner grand-chose, mais il perd quelque chose qui est énorme. Parce que toute la physique d'Aristote, expliquait la chute du crayon par terre en disant il est constitué surtout de terre et donc quand je le lâche, il va vers son lieu naturel. Le feu, eh bien, monte vers son lieu naturel qui est au-dessus de celui de l'air. Donc il y avait l'explication des mouvements selon le lieu qui impliquait des lieux naturels pour les quatre éléments avec la place centrale de la Terre. Et le lieu central, voilà, pourquoi le crayon tombe-t-il à mes pieds sur une Terre en mouvement ? Et Copernic ne peut plus expliquer la physique. Et d'ailleurs, il n'essaie pas. Il n'essaie pas du tout. Il ne parle que d'astronomie. Alors, vous voyez, les savants du Moyen-Âge voulaient avoir une vision complète de l'ensemble des connaissances. Copernic ne parle que d'astronomie et n'explique pas ces choses-là, et qui vont heurter tout le monde. Et ça va être seulement avec Galilée, puis Descartes, puis Newton, qu'on va enfin pouvoir refaire une cohérence entre l'astronomie et la physique. Il faudra attendre plus de 80 ans, 100 ans, pour qu'il y ait une nouvelle cohérence qui s'établisse. Alors vous nous décrivez là, Bernard Mette, un échec de Copernic tout de même. Ben non, c'est pas un échec, puisqu'il n'a pas essayé. Mais par contre, ça va être extrêmement reproché par successeurs, si vous voulez, et par les gens qui vont voir... La phrase de Luther, l'art de l'astronomie, l'art séculaire millénaire de l'astronomie à l'envers, oui, effectivement, mais il y avait une cohérence entre l'astronomie et l'ensemble des connaissances qu'on appellerait physique physiologique actuellement, philosophique, tandis que là, il n'y a plus de cohérence, et ça, c'est une preuve aussi de l'attachement de Copernic à la civilisation de la Renaissance. On n'essaie plus d'avoir une cohérence générale, on n'essaie plus d'avoir une cohérence entre foi et raison. Et c'est la rupture qu'il assume, en fait. Il assume une rupture, en tout cas, il dédie dit sont des révolutionibus au pape, hein, il ne se met pas du tout à l'écart, et c'est Osiander qui va rédiger quelque chose en disant, comme si c'était de Copernic, une espèce de préface, hein, il faut une espèce de préface en disant que ce n'est pas la réalité qui est décrite, mais un nouveau système de calcul qui sauve les apparences et tout cela, c'est-à-dire en faisant de l'œuvre de Copernic quelque chose qui est une fiction mathématique qui explique mieux les choses, tandis que la réalité est tout autre. C'est pas ce qu'a voulu faire Copernic, et donc son œuvre a été un peu déviée par la préface d'Osiander, bien sûr. Alors on comprend bien que Copernic a inventé, mis en avant l'héliocentrisme pour des raisons qui tiennent à la fois à l'homogénéité du ciel et du ciel et de la Terre, placer la Terre dans un univers cohérent avec celui du ciel, qui a aussi ses travaux des perspectivistes qui ont été importants, changement de point de vue, que l'homme est destinateur de l'œuvre divine, hein, je crois que c'est ce qu'il dit dans le De Revolutionibus. On comprend aussi que donc, toutes ces influences de la Renaissance, ces influences esthétiques ont joué. Et vous nous dites pourtant que du point de vue de la physique strictement, ça ne fonctionne pas, que Copernic, lui, en a bien conscience. Comment on explique alors que finalement tant de gens se soient ralliés à l'héliocentrisme ? Bien, d'abord, on ne s'est pas rallié immédiatement. Mais ça a apporté énormément de choses quand même. D'abord les dimensions du monde. Les proportions du monde ont été extrêmement augmentées par Copernic. Il y avait cette identité entre le milieu des mécènes et cette nouvelle esthétique et ce que proposait Copernic. Et donc ça peut séduire des gens qui ne sont pas justement des philosophes. Or je vous ai dit que ce n'est pas dans l'université, mais à la cour des mécènes. Et donc évidemment dans des gens qui sont... Un peu ignorant finalement. Qui cultivés autrement. Oui, voilà, c'est ça. Qui ont une autre culture et qui, toute nouvelle culture, tout nouveau savoir entraîne l'effondrement de pans de savoir précédents. Et vous allez avoir une très grosse déstabilisation si des connaissances. Le ciel est parfait. Oui, mais au cours de ce 16e siècle, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un décalage de plus d'une dizaine de jours entre le calendrier julien, celui qu'on utilise, et les positions du Soleil et de la Lune. Donc il va falloir bâtir le calendrier grégorien. On se soucie du ciel. Le ciel est parfait, est immuable, et puis pas de chance, il y a deux ou trois novae donc, qui sont observées. Ça pose des problèmes du ciel. Et il y a des gens qui adhèrent avec cette vision plus esthétique de Copernic, qui économisent, et puis Copernic qui utilise des arguments. Ah, vous me dites que si elle tournait, la Terre devrait exploser. Vous faites tourner la sphère des fixes, elle est beaucoup plus grande, donc elle devrait exploser plus fort. C'est ce que dit Copernic dans le De Revolutionibus. Bon, ce sont des arguments affectifs, mais vous voyez la bataille. Et puis Josué, alors est-ce qu'on doit s'appliquer sur la résistance au Concile de Trente, la résistance au retour au texte littéral qui se manifeste. Mais vous avez des gens qui, comme Tycho Brahe, eh bien, refait un système qui a été un système d'un astronome du 4e siècle avec au centre la Terre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, la Lune qui tourne autour de la Terre, évidemment, mais au centre la Terre, et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il réaccorde la place centrale à la Terre, donc il sauve la physique, et d'autre part, il fait tourner toutes les planètes, sauf la Terre, autour du Soleil, donc il garde les proportions de Copernic. C'est un compromis. Un compromis qu'il reprend au 4e siècle. Il y a un manuscrit à Boulogne-sur-Mer du 10e siècle qui représente ce système de Tycho Brahe, enfin, que va remettre à la mode Tycho Brahe. Il a été d'ailleurs exposé à la BNF et ouvert par hasard à cette planche qui était très très belle dans une exposition qui a eu lieu à la BNF. Mais l'exposition, c'était la beauté des manuscrits. Personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué. Et pourtant, ils ont édité une carte postale avec cette page-là. Ah. Mais enfin, c'est pas grave. C'est bien quelqu'un l'a vu finalement. Donc c'est une. Tycho Brahe n'invente pas un système. Il reprend aussi une autre tradition pour sauver à la fois la physique et d'autre part ces belles proportions qui amènent tant de Copernic. Et d'autres vont aller plus loin, puisque Giordano Bruno, par exemple, va reprendre le système de Copernic et va dire pourquoi Dieu aurait-il fait un monde limité alors que sa puissance est infinie ? À sa puissance infinie ne peut correspondre qu'un monde infini. Le monde n'a pas de limite. C'est un argument qui est très fort, qui est totalement métaphysique, et dans lequel il dit, nous ne sommes pas au centre du monde, et pourquoi toutes les étoiles ne seraient-elles pas des soleils ? Et pourquoi il n'y aurait pas multiplicité de la création, c'est-à-dire des systèmes planétaires et donc des autres terres autour des autres étoiles et des autres soleils qui sont dans ce monde infini ? Et on sait que, niant aussi la Trinité, la virginité de Marie, et tout ça dans un système de réforme et de contre-réforme un peu violent, il va le payer par 7 ans d'emprisonnement, puis un bûcher en 1600. Alors Copernic aura échappé à ça, finalement. Heureusement pour lui, d'une certaine manière, il est arrivé tôt dans cette histoire de la réforme et de la contre-réforme. Est-ce qu'on a une idée de... Alors Copernic n'est jamais retourné en Italie après ses années de jeunesse. Non. Est-ce qu'on sait s'il a continué à entretenir des relations avec... Elles ne sont pas avérées, pas du tout. Par contre, la circulation de son petit commentaire, il s'intéresse, il reçoit des correspondances sur le petit commentaire, il continue à faire ses calculs, des observations, mais surtout des calculs qui vont lui permettre de rétablir ses épicycles et d'avoir un système qui sauve quand même un peu les apparences, calcul de la distance, donc il calcule beaucoup, mais aussi les chanoines. Et un chanoine, c'est quelqu'un qui a des revenus et qui gère des domaines, et donc il va gérer des domaines fonciers qui lui rapportent d'ailleurs pas mal d'argent. Il est médecin, et donc médecin réputé, il va faire ça aussi. C'est pas quelqu'un qui se consacre à temps complet à l'astronomie. À temps complet, il se consacre, à la gestion de son domaine, à la médecine et aussi au calcul. Ce qui explique le décalage qu'il y a entre la rédaction du petit commentaire avec la publication finale de son De Revolutionibus. Plus de 30 ans de décalage. Oui, c'est ça, oui. Très bien, écoutez, merci beaucoup Bernard Maître pour ces éclaircissements, et je vous rappelle que vous pouvez lire dans le numéro de mars 2012 de Ciel et Espace un article signé Bernard Maître sur Copernic et le Quattrocento. Merci. Merci à vous.